Le journal Nigerian Observer a exalté la Corée socialiste, en affirmant que toutes les activités de la Corée populaire sont destinées à l'amélioration de la vie du peuple. Il a qualifié la Corée socialiste qui prend les idées du Tutsé pour guide dans ses activités d'état authentique du peuple qui assure intégralement le peuple de tous les droits et la dignité.